Hallelujah. Hallelujah. Now today I want to share a message. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais partager un message. A very important message. Un message très important. The message that the Lord has sent me to bring here. Le message que le Seigneur m'a envoyé à apporter ici. Relates to the coming of the Messiah. Relate de la venue du Messie. Precious people. Précieux peuple. I want to share a vision of the Lord. Je désire partager une vision du Seigneur. That the Lord showed me. Que le Seigneur m'a montré. After that, I will explain to you what that means. Après cela, je vais vous expliquer ce que ça signifie. Let me share this vision. Laissez-moi partager cette vision. In that mighty vision. Dans cette puissante vision. The Lord showed me the construction of the house of the Lord. Le Seigneur m'a montré la construction de la maison du Seigneur. I saw the house of the Lord being built. J'ai vu la maison du Seigneur être construite. And when it was being built, et quand c'était en train d'être construit, they built, ils construisaient, they built, ils construisaient, they built, ils construisaient, they built, ils construisaient, and they built the wall. Et ils construisaient les murs. And when they built the wall, et quand ils construisaient les murs, listen very carefully, écoutez très attentivement. Then the Lord brought me into the house of the Lord. Le Seigneur m'a conduit à l'intérieur de la maison du Seigneur. And then, et ensuite, I saw that the metal bars that they had raised to support the roof. Alors j'ai vu que les barres de métal qu'ils avaient élevées pour supporter le toit, they were not well done. Elles n'étaient pas bien faites. They were different heights. Elles avaient différentes hauteurs. Some were tall, others were short. Certaines étaient grandes, d'autres courtes. Like this. Comme ceci. And so I asked the Lord. Alors j'ai demandé au Seigneur. How will this support the roof? Comment est-ce qu'elles vont supporter le toit? Because then it will not support the roof. Parce que comme ça, elles ne peuvent pas supporter le toit. And then. Et ensuite. The voice of the Lord said. La voix du Seigneur a dit. Look, there is no roof. Regarde. Il n'y a pas de toit. Again. Encore. And the voice of the Lord said, look, there is no roof. Et la voix du Seigneur a dit, regarde, il n'y a pas de toit. And I realized they had not put the roof on. Et j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas mis le toit. And then I woke up. Alors je me suis réveillé. That's where I want to begin from. C'est de là que je vais commencer. Right now. Juste maintenant. There is an understanding. Il y a une compréhension. A clear understanding. Une compréhension claire. Listen very carefully, precious people. Écoutez très attentivement, précieux peuple. Right now, there is a clear understanding in the church. Juste maintenant, il y a une compréhension claire dans l'église. World over. Partout dans le monde. That any moment there is going to be a massive visitation in the church. Il y a à tout moment, il va y avoir une visitation massive dans l'église. And that visitation. Et cette visitation. Is the rapture of the church. C'est l'enlèvement de l'église. And that visitation is the rapture of the church. Et cette visitation est l'enlèvement de l'église. Listen very carefully. Écoutez attentivement. But the Lord, he promised. Quand le Seigneur promet. Certain events to the church. Certains événements pour l'église. Before the rapture takes place. Avant que l'enlèvement prenne place. We are all familiar with the mighty visitation of the Holy Spirit. Nous sommes tous familiers avec la puissante visitation du Saint-Esprit. That is now beginning to visit the church. Qui maintenant commence à visiter l'église. But we are all aware. Mais nous sommes tous au courant. That despite the proximity of rapture. En dépit de la proximité de l'enlèvement. Despite the fact that the Lord is about to come for the glorious church. Malgré le fait que le Seigneur va venir pour l'église glorieuse. There is a fall in the church. Il y a une chute dans l'église. It is common knowledge today. On le sait d'une manière commune. That there is apostasy in the church. Qu'il y a de l'apostasie dans l'église. And that's where I want to begin from tonight. Et c'est de là que je vais commencer ce soir. How possible? Comment est-ce possible? And I'm going to get very deep today. Et je vais aller très profondément aujourd'hui. How possible? Comment est-ce possible? That there can be apostasy. Qu'il puisse y avoir de l'apostasie. At this very critical hour. À cette heure tellement critique. We are going to walk step by step. Nous allons marcher pas à pas. And once you can be able to recognize, et vous allez être capable de reconnaître. To recognize where things did not go right, de reconnaître où les choses ne vont pas. Then surely you can get back to the road. Ensuite, vous pourrez revenir sûrement sur la route. Alléluia. Alléluia. I'm reading from scripture. Je lis de l'Écriture. John chapter 14. Jean chapitre 14. I'm starting with John 14. Je commence avec Jean 14. Verse 6. Le verset 6. And he says, et il dit, Jesus answered, Jésus a répondu, I am the way, je suis le chemin, and the truth, et la vérité, and the life, et la vie. No one comes to the Father. Personne ne vient au Père except through me. Que par moi. Only that scripture. Seul ce texte. Only that scripture. Seul ce texte is sufficient. Est suffisant. That scripture. Cette écriture. I am the way. Je suis le chemin. The way. Le chemin. The Lord is the way. Le Seigneur est le chemin. That's where I want to begin from. C'est là où je désire commencer. The Bible I have is the Bible you have. La Bible que j'ai, c'est aussi la Bible que vous avez. And he says, look, I am the way. Et il dit, regarde, je suis le chemin. Then how could the church lose the way? Et comment est-ce que l'Église peut perdre le chemin? How could the church have lost the way? Comment est-ce que l'Église a pu perdre le chemin? When the Bible is so clear, it says, I am the way. Quand la Bible est si claire, je suis le chemin. That's where we have to begin from. C'est de là que nous allons commencer. Again. Encore. The book of Acts. Le livre des Actes. Just to begin. Juste pour commencer. The book of Acts, chapter 4. Le livre des Actes, chapitre 4. Verse 12. Le verset 12. He says. Il dit. Salvation is found in no one else. Le salut n'est fondé sur personne d'autre. For there is no other name under heaven. Car il n'y a aucun autre nom sous le ciel. Given to man by which we must be saved. Qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. There is no other way. Il n'y a pas d'autre chemin. There is no other name. Il n'y a pas d'autre nom. By which you can find salvation. Par lequel nous pouvons trouver le salut. Except the name of Jesus. Sauf le nom de Jésus. Excuse me. Excusez-moi. When it's so clear. Quand il est si clair. Then how could the church have lost the way? Comment est-ce que l'Église peut avoir perdu le chemin? We read from John. Nous avons lu de Jean. And he said, I am the way. Et il dit, je suis le chemin. Now in the book of Acts. Maintenant, dans le livre des Actes. He says, forget it. Il dit, oublie cela. There is no other name. Il n'y a pas d'autre nom. By which you make it into the kingdom of God. Par lequel nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Except the name of Jesus. Sauf le nom de Jésus. Then how could we have lost it? Et comment avons-nous pu le perdre? How could the church? Comment est-ce que l'Église have lost it? L'a perdu. I am the way. Je suis le chemin. I'm just beginning with the basics. This is not the message. Je suis juste en train de commencer par la base. Ça n'est pas le message. I'm just in awe, in shock. Je suis juste dans la crainte, dans le choc. That there can be apostasy in the church now. Qu'il puisse y avoir de l'apostasie dans l'Église maintenant. When it's so clear. Quand il est si clair. Forget it. Oubliez ceci. There is no other name. Il n'y a pas d'autre nom. By which you will make it. Par lequel nous pouvons entrer. Except the name of Jesus. Sauf le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Another one. Un autre. Just to lay a foundation. Juste pour poser une fondation. Another one. Un autre. The book of Hebrews. Dans Hébreux. Hebrews chapter 10. Hébreux chapitre 10. And he says. Et il dit. Verses 19. Verset 19. To 20. À 20. Again, Hebrews chapter 10. Encore. Hébreux chapitre 10. Verses 19 and 20. Les versets 19 et 20. And he says. Et il dit. Therefore, brothers. Ainsi donc, frères. Since we have confidence to enter the most holy place. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints. By the blood of Jesus. Par le sang de Jésus. By a new and living way. Par la route nouvelle et vivante. Open for us. Qu'il a inaugurée pour nous. Through the curtain. Au travers du voile. That is his body. C'est-à-dire sa chair. I want to end there. Je vais entrer là. Listen very carefully. Écoutez très attentivement. He says, il dit. Now we have a new way. Maintenant, nous avons le nouveau chemin. To enter the most holy place. Pour entrer dans le Saint des Saints. Listen to me. Écoutez-moi. When the Lord Jesus died on the cross. Quand le Seigneur Jésus est mort sur la croix. At Calvary. Au Calvaire. Listen to this. Écoutez ceci. Let me go back there. Laissez-moi retourner là. Before the Lord died on the cross. Avant que le Seigneur meure sur la croix. Let me begin from there. Laissez-moi commencer de là. The high priest. Le grand prêtre. Used to enter the most holy place. Avait l'habitude d'entrer dans la place la plus sainte, le Saint des Saints. Never without blood. Jamais sans du sang. Which is sprinkled on the ark of the covenant. Qui est aspergé sur l'arche de l'alliance. And the glory, the Shekinah glory came. Et la gloire, la Shekinah glory venait. Nobody ever. Jamais personne. Would be allowed access into the most holy. N'aurait la permission d'accéder dans le Saint des Saints. But what he's saying now. Mais ce qu'il dit maintenant. Is that since now. C'est que depuis maintenant. The Lord went to Calvary. Où le Seigneur est allé au calvaire. And he died on the cross. Et qu'il est mort sur la croix. And he was abused on the cross. Et il a été abusé sur la croix. He was beaten on the tree. Crucifié sur un arbre. He was tortured. Il était torturé. Let me not jump ahead of me. Ne me laissez pas prendre de l'avance sur moi. But since he died and resurrected, que depuis qu'il est mort et qu'il est ressuscité, there is now a new way. Il y a maintenant un nouveau chemin. Into the most holy place. Dans le Saint des Saints. But listen to this. Mais écoutez ceci. He says, il dit, when he died, quand il est mort, the curtain, le voile, that was separating the holy from the most holy, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, that curtain ruptured. Ce voile s'est déchiré. That curtain, ce voile, it ruptured. S'est déchiré. What does that mean? Qu'est-ce que ça signifie? That means God Almighty. Ça signifie que le Dieu Tout-Puissant was now setting up a new order in church. Mettez en place maintenant un nouvel ordre dans l'église. And destroying the old order. Et qu'il détruisait le vieil ordre. Because of the fullness of time. À cause de l'ampleur du temps. But he says now. Mais il dit maintenant. Since now. Depuis maintenant. Jesus died. Jésus est mort. And by his blood. Et par son sang. Not of an animal. Non pas celui d'un animal. We can now access. The most holy place. Nous pouvons maintenant accéder au Saint des Saints. Then I ask, ensuite je vais demander, then what is the church doing outside? Alors qu'est-ce que l'église fait dehors? If the curtain is ruptured, si le voile est déchiré, and everybody can now enter, et tout le monde maintenant peut entrer, you can just get up from wherever you are, vous pouvez juste vous lever où que vous soyez, and say, I enter in the mighty name of Jesus, et dire j'entre dans le puissant nom de Jésus. Listen, écoutez, if that is so open, si cela est tellement ouvert, then why is there the fall in the church? Pourquoi est-ce qu'il y a là la chute de l'église? Why is there apostasy in the church? Pourquoi est-ce qu'il y a l'apostasie dans l'église? You are the church. Vous êtes l'église. This is what I want to look at today. C'est ce à propos duquel j'aimerais voir aujourd'hui. Turn with me to the book of Jeremiah. Tournez avec moi au livre de Jérémie. That you may see the apostasy, and then I will walk you on the way out for the church. Que vous puissiez voir l'apostasie et ensuite je vais marcher avec vous sur la solution pour l'église. Jeremiah chapter 10 verse 20. Jérémie chapitre 10 verset 20. He says, il dit, my tent is destroyed. Ma tente est détruite. All its ropes are snapped. Tous mes cordages sont rompus. My sons are gone from me and are no more. Mes fils m'ont quitté. Ils ne sont plus. No one is left now to pitch my tent. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente. Or to set up my shelter. Ou qui relève mes pavillons. Do you understand that vision the Lord showed me? Vous comprenez cette vision que le Seigneur m'a montrée? There is a complacency in the church. Il y a une complaisance dans l'église. The church has become complacent. L'église est devenue complaisante. He says, il dit, the tent is destroyed. La tente est détruite. The ropes are snapped. Les cordages sont rompus. No one is left. Et personne est là to pitch the Lord's tent. Pour dresser la tente du Seigneur. Or to raise up his shelter. Ou pour relever pavillon. And he says, et il dit, the shepherds are senseless. Les bergers ont été stupides. And do not inquire of the Lord. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. So they do not prosper. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. And all their flock are scattered. Et que tous leurs troupeaux se dispersent. The state of the church. L'état de l'église. And today, et aujourd'hui, it is not just the church in Kenya. Ça n'est pas seulement l'église du Kenya. It is global. C'est partout. The nation of South Korea. La nation de Corée du Sud. We've seen Australia also from Sweden. Nous avons vu l'Australie et aussi en Suède. Bringing this message of righteousness to the church. Apportant ce message de justice à l'église. But it's amazing. Mais c'est étonnant. What the apostasy in the church has done. Ce que l'apostasie dans l'église a fait. To the extent that you need to pay millions. Au point que nous avons besoin de payer des millions. We have seen. Nous avons vu. To the point that when there is a meeting. Au point où là où il y a un rassemblement. Listen to what the Lord has shown me. Écoutez ce que le Seigneur m'a montré. As I took this message to the other nations. Comme je porte ce message aux autres nations. Many times you hear panda megu ubarikiwe. Tellement souvent nous entendons semer une graine et vous allez être béni. So a seed to be prayed for. Semer une graine et on va prier pour vous. You have heard that. Vous avez entendu cela. You have seen it. Vous avez vu cela. The gospel of prosperity. L'évangile de la prospérité. The gospel that came from the devil. L'évangile qui est venu du diable. That exalts money. Qui exalte l'argent. And lacks holiness. Et manque la sainteté. But listen to what I found out there. Mais écoutez ce que j'ai trouvé là-bas. When you do a meeting. Quand vous faites un rassemblement. For a pastor. Pour les pasteurs. To come to the altar and lead prayer, then pray. Pour venir à l'autel et venir prier. The organizer charges them millions of shillings. Les organisateurs demandent des millions de shillings pour cette organisation. You pay millions to come and pray to your God. vous payez des millions pour venir et pour prier votre Dieu. I was very shocked. J'étais très choqué. Because I said in Kenya they pay money to be prayed for. Parce que j'ai dit qu'au Kenya ils payent pour qu'on prie pour eux. But now other nations again they pay money to come and pray. Mais maintenant les autres nations font payer pour qu'on vienne, on doit payer. That is the apostasy I'm talking about. C'est ça l'apostasie à propos de laquelle je parle. The love of money in the church. L'amour de l'argent dans l'église. The love of money in the church. L'amour de l'argent dans l'église. Is the root of all evil in the church. C'est la racine de tous les maux dans l'église. And that's why I'm building this foundation on this. Et c'est pourquoi je construis cette fondation là-dessus. I'm just looking at the apostasies and then je regarde juste l'apostasie et ensuite I'm explaining the vision that I described through the scripture. Je vais expliquer la vision que j'ai eue à travers l'écriture. I'm just explaining this vision that I described. Je vais juste expliquer cette vision que j'ai décrite through the scripture. À travers l'écriture. Then we will see where did things go wrong. Alors vous allez voir où les choses ne vont pas. So, the sexual sin in the church. Alors, le péché sexuel dans l'église does not please the Lord. Ne plaît pas au Seigneur. That's why he sent me here today. C'est pourquoi il m'a envoyé ici aujourd'hui. That there may be a clean up. Pour qu'il puisse y avoir un nettoyage. Alléluia. Alléluia. I'm reading another scripture. Je lis un autre texte. Jeremiah chapter 6. Jérémie chapitre 6. Verses 13 and 14. Les versets 13 et 14. But I want to begin from verse 10. Et je désire commencer au verset 10. Jeremiah chapter 6 verse 10. Jérémie chapitre 6 verset 10. To whom can I speak? À qui m'adresser? And give warning. Et qui prendre à témoin? Who will listen to me? Qui va m'écouter? Their ears are closed. Voici, leurs oreilles sont fermées. So they cannot hear. Alors, ils sont incapables d'entendre. The word of the Lord is offensive to them. La parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. And they find no pleasure in it. Et ils n'y trouvent aucun plaisir. The Lord is saying, le Seigneur dit. Look at what the Lord is saying. Regardez ce que le Seigneur dit. He's saying, il dit, I want to speak to the church. Je désire parler à l'église. I long to speak to the church. J'aspire à parler à l'église. But whom will I speak to? Mais à qui est-ce que je peux parler? Who will listen? Qui va écouter? Why does the Lord ask that? Pourquoi est-ce que le Seigneur demande cela? Because he says, parce qu'il dit, their ears are uncircumcised. Leurs oreilles sont incirconcises. So they cannot hear. Alors ils ne peuvent pas entendre. But how possible is that? Comment est-ce que c'est possible cela? Because we know, parce que nous savons, that when Jesus went on the cross, que lorsque Jésus est allé à la croix, essentially, il essentiellement, he circumcised all the hearts of all people. Il a circoncis tous les cœurs de tous les gens. That means anybody who wants can be able to hear, listen, and go into the kingdom of God. Ça signifie que quiconque qui désire écouter ira dans le royaume de Dieu. The circumcision of our hearts. La circoncision de notre cœur. The spiritual circumcision of the heart of the church. La circoncision spirituelle du cœur de l'église. Also circumcise the ears of the church. Circoncis aussi les oreilles de l'église. Also open your ears. Ouvre aussi vos oreilles. So how possible? Comment est-ce que c'est possible? Verse 13 and 14. Les versets 13 et 14. He says, from the least to the greatest. Il dit, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, all are greedy for gain. Tous sont avides de gain. Prophets and priests alike. Le prophète jusqu'au sacrificateur. All practice deceit. Tous usent de tromperie. They dress the wound of my people. Ils pansent à la légère mon peuple, as though they were not serious. Comme si ça n'était pas sérieux. Peace, peace, they say. Paix, paix, disent-ils. When there is no peace, quand il n'y a pas de paix, be quiet. Soyez calme. Be quiet, everybody. Que tout le monde soit calme. Just be quiet and be in peace. Soyez juste calme et soyez en paix. God loves you. Dieu vous aime. How can there be peace? Comment est-ce qu'il peut y avoir de la paix between God Almighty entre le Dieu Tout-Puissant and the Church of Christ et l'Église de Christ, when there is sexual sin in the church? Quand il y a des péchés sexuels dans l'Église, how can there be peace? Comment peut-il y avoir de la paix between God Almighty entre le Dieu Tout-Puissant and the Church of Christ et l'Église de Christ? When there is the money laundering in church, quand il y a le blanchiment d'argent dans l'église, when the widows cannot afford prayers, quand les veuves ne peuvent pas s'offrir des prières, and he says, et il dit, I am the Lord of the widows, je suis le Seigneur des veuves, and now the widows are being charged, et maintenant on les fait payer. Panda mbegu ndio barikiwe. Semez une graine et vous allez être bénis. I'm just explaining to you the apostasy. Je suis juste en train de vous expliquer l'apostasie. Then I'll tell you where everything went wrong. Et ensuite, je vais vous dire où toute chose a été mal. Peace, peace, they say. Paix, paix, disent-ils. When in actual sense, there is no peace between God and the church. Quand dans le sens actuel, il n'y a pas de paix entre Dieu et l'Église. Because God is looking for holy church. Parce que Dieu est en train de chercher l'Église sainte. Jesus is holy. Jésus est saint. Jehovah is holy. Jéhovah est saint. The kingdom of God is holy. Le royaume de Dieu est saint. The wedding of the Lamb is holy. Les noces de l'agneau sont saintes. Ezekiel chapter 13. Ezekiel chapitre 13. I'm just laying the foundation for you. Je suis juste en train de poser les fondations pour vous. Then you will understand how to get back. Et vous allez comprendre comment retourner. Ezekiel 13. Ezekiel 13. Verses 10 to 12. Les versets 10 à 12. He says, il dit, because they lead my people astray. Parce qu'ils égarent mon peuple. Because they lead my people astray. Parce qu'ils égarent mon peuple. Jesus said, Jésus a dit, listen. Écoutez. Everybody listen to this. Tout le monde, écoutez ceci. The Lord Jesus said, le Seigneur Jésus a dit, I am the way. Je suis le chemin. And now, et maintenant, he said, il a dit, that the apostasy in the church, qu'il y a de l'apostasie dans l'église, leads his people astray. Égare ce peuple. Which means, ce qui signifie, if this is the way that the Lord set out, c'est ça le chemin que le Seigneur a mis en place. And the church is walking here. Et l'église marche là. And then the apostasy came. Et ensuite l'apostasie est venue. The deception came. La tromperie est venue. The falsehood came. Le mensonge est venu. Look what happened. Regardez ce qui est arrivé. This road leads to the kingdom of God. Cette route conduit au royaume de Dieu. But the apostasy, que l'apostasie, leads the church as égare l'église. That is another direction. Ça, c'est une autre direction. Two different destinations. Deux destinations différentes. Those are two different directions. Ce sont deux directions différentes. The way that the Lord charted out, I am the way, it leads to heaven. Le chemin que le Seigneur a mis en place, il conduit au ciel. If somebody leads a sheep astray, si quelqu'un égare une brebis, that sheep never returns home. Cette brebis ne retourne jamais à la maison. Many times when you are going to look after your sheep, bien souvent, quand vous allez Regardez vos brebis. Even your cattle. Même vos vaches. And one of them goes astray. Et l'une d'entre elles s'égare. They never come back home. Elles ne reviennent jamais à la maison. Two different destinations. Deux différentes destinations. Let us continue. Ezekiel 13. Continuons. Ezekiel 13. He said, verse 10. Il dit, verset 10. Because they lead my people astray. Parce qu'ils égarent mon peuple. Saying peace. Disant paix. When there is no peace. Quand il n'y a pas de paix. And because when a flimsy wall is built. Et parce que quand une muraille fragile est construite, they cover it with whitewash. Ils la couvrent avec du lait de chaux. Therefore, tell those who cover it with whitewash. Et eux, ils la couvrent avec du lait de chaux. That it is going to fall. Et ça va tomber. You understand now? Vous comprenez maintenant? It is temporary. C'est temporel. It cannot be permanent. Ça ne peut pas être permanent. I am going to tell you today. Je vais vous dire aujourd'hui. What will make your salvation permanent? Qu'est-ce qui va faire votre salut permanent? Permanent. Permanent. Eternal. Éternel. Forever. Pour toujours. He says. Il dit. They raise the wall like the one I saw in that vision. Il construisent les murs comme celui que j'ai vu dans cette vision. They raise. Ils construisent with light material. Avec du matériel léger. And then they paint whitewash. Et ensuite, ils la peignent avec du lait de chaux. So it looks white. Pour que ça ait l'air blanc. How can you paint your sins white? Comment est-ce que vous pouvez peindre vos péchés en blanc? He said, il a dit, finally, you will collapse. Finalement, vous allez vous écrouler. This is just the foundation. This is not the message. Ça, c'est juste la fondation. Ça n'est pas le message. I'm just talking about the foundation. Je parle seulement à propos de la fondation. The hot bread from heaven has arrived. Le pain chaud du ciel arrive. Nobody can ever lie to you again. Plus personne peut encore vous éclairer. Let us eat the hot bread from the kitchen of God. Mangeons le pain chaud de la cuisine de Dieu. And it is holy bread. Et c'est du pain saint. Listen now. Écoutez maintenant. The last one in this segment. Le dernier dans ce segment. Ezekiel 34. Ezekiel 34. Ezekiel 34. Ezekiel 34. Ezekiel 34 verse 3. Ezekiel 34 verset 3. You eat the cud, clothe yourselves with the wool, and slaughter the choice animals. Vous avez mangé le lait caillé, vous vous êtes vêtu de laine, vous avez tué les meilleurs animaux. You eat the cud. Vous mangez le lait caillé. Clothe yourselves with the wool. Vous vêtez avec de la laine. And slaughter the choices. Et tuer les animaux de choix. You see what the apostasy has done? Vous voyez ce que l'apostasie a fait? Regardons dans ces brebis, lequel est vraiment... Oui, celui-là est gras. That is the apostasy in the church. Ça, c'est l'apostasie dans l'église. Where the richest are the ones that rule the day. Quand les plus riches décident ce qui va être fait pendant la journée. Now, I want to ask the following. Maintenant, je désire poser la question suivante. Where did things go wrong? Où est-ce que les choses vont mal? Listen. Écoutez. This now becomes critical. Ceci maintenant devient critique. When you will know where things went wrong. Quand vous voulez savoir où les choses vont mal. Then, at the same time. Ensuite, dans le même temps. You can rectify. Vous pouvez rectifier. Listen to this. Écoutez ceci. Where did things go wrong? Où est-ce que les choses vont mal? Now listen very carefully. Maintenant, écoutez très attentivement. If you look at the Bible, si vous regardez la Bible, the book called the Bible, le livre qui s'appelle la Bible, in this book, dans ce livre, there are the prophets of this Bible. Les prophètes de cette Bible, they spoke things. Ils disent des choses. And every time they spoke, Et chaque fois qu'ils ont parlé, it was recorded. C'était enregistré. Documented. Documenté. You are better off. Vous êtes mieux. You are wiser. Vous êtes plus sage. Why? Pourquoi? Because I have shared a lot of how God speaks. Parce que j'ai partagé tout au long comment Dieu parle. I did not hide anything. Je n'ai rien caché. I have revealed every graphic of the conversation of God. J'ai révélé tous les graphiques des conversations de Dieu. When the prophets spoke, quand les prophètes ont parlé, something was interesting. Quelque chose était intéressante. One prophet comes up, un prophète venait, sent by the Lord, envoyé par le Seigneur, he makes utterances, il fait des énoncés, they are recorded, ils sont enregistrés, and you hear him, et vous l'entendez, say, oh, how I wish, disant, oh, comme j'aimerais, after he has given the vision, après qu'il ait donné la vision, you hear him say, oh, how I wish, vous l'entendez dire, oh, comme j'aimerais that I would have lived to see that dispensation. Que je puisse vivre cette dispensation. For example, par exemple, when Jeremiah spoke to Israel, quand Jérémie a parlé à Israël, listen, écoutez, when Jeremiah spoke to Israel, quand Jérémie a parlé à Israël, and he said, et il a dit, Jeremiah chapter 18, Jérémie chapitre 18, the Lord told Jeremiah, le Seigneur a dit à Jérémie, that you, Jeremiah, que toi, Jérémie, I want you to leave. J'aimerais que tu quittes. Begin to leave quickly. Que tu commences à quitter rapidement. And go. Et que tu ailles. And go down. Et que tu descendes. Until you reach the potter's house. Jusqu'à ce que tu trouves la maison du potier. When you get there, quand tu arrives là, then I will speak with you. Alors je vais parler avec toi. I'll give you the message. Je te donnerai le message. I'm just giving this example. Je donne juste cet exemple. So that place, the potter's house. Alors cette place, la maison du potier. If you read Jeremiah chapter 18 and 19. Si vous lisez Jérémie les chapitres 18 et 19. The potter's house. La maison du potier. Is a place, a valley. C'est dans une place qui est une vallée. Called the Valley of Ben Hinnom. Ça s'appelle la vallée de Ben Hinnom. In Israel. En Israël. In Jerusalem. À Jérusalem. But listen to this. Mais écoutez ceci. Why is it at that place? Pourquoi est-ce que c'est à cette place? That is where the potters were working on the wheel. C'est là où les potiers travaillaient sur leur tour. When the old pots, où les vieux pots, were thrown out, étaient jetés. You know, the rich people lived on the hill. Vous savez, les gens riches vivent sur la colline. So when they threw the old pots, alors quand ils jettent leurs vieux pots, the potters, les potiers, they broke them and mixed with water. Ils les brisent et les mélangent à de l'eau. And they made new pots. Et ils font de nouveaux pots. And you found, et vous trouvez, the gate that faces the valley of Ben Hinnom, la porte qui fait face à la vallée de Ben Hinnom, in Jerusalem, à Jérusalem, is called the pot's hard gate, est appelée la porte du potier. There are lots of pots there being sold. Il y a beaucoup de pots ici qui sont vendus. But let me interpret it to you. Alors laissez-moi vous l'interpréter. And so the Lord asks the house of Jacob. Alors le Seigneur a demandé à la maison de Jacob. House of Jacob. Maison de Jacob. Can the Lord do with you the way the potter does with clay? Est-ce que le Seigneur peut faire avec toi ce que le potier fait avec de la glaise? Meaning, signifiant, when Jeremiah was speaking to them, quand Jérémie était en train de leur parler, about the commotion from the north, à propos de l'agitation du nord, if they don't repent, s'ils ne se repentent pas, the sexual sin in the house, le péché sexuel dans la maison, the false prophets in the house, les faux prophètes dans la maison, gospel of prosperity in the house, l'évangile de la prospérité dans la maison, witchcraft in the house, la sorcellerie dans la maison, cannibalism in the house, le cannibalisme dans la maison. Alcoholism in the house. L'alcoolisme dans la maison. When Jeremiah was speaking to them, quand Jérémie était en train de leur parler, they did not know, ils ne savaient pas that Jeremiah, que Jérémie, he had seen, avait vu the end of the utility of that house. La fin de l'utilité de cette maison. The end of the value of that house. La fin de la valeur de cette maison. That earthly tabernacle. Ce tabernacle terrestre. And Jeremiah. Et Jérémie. Had seen beyond the hills. A vu derrière la colline. The spiritual dispensation. La dispensation spirituelle. Of the coming of the Messiah. De la venue du Messie. Listen to me. Écoutez-moi. I'm just using that as example. J'utilise cela seulement en tant qu'un exemple. So when they spoke, que quand ils ont parlé, they also long, I wish I could live to see that. Ils ont aussi aspiré, j'ai désiré vivre pour voir cela. The Messiah had not come to save the church. Le Messie n'est pas venu pour sauver l'Église. But central among the things. Mais au centre, parmi les choses that the prophet uttered, que le prophète a annoncé, was this, était ceci, that when the Messiah comes, que lorsque le Messie vient, he will have power, il va avoir le pouvoir over death, sur la mort. You didn't hear me properly. Vous ne m'avez pas entendu proprement. That he would have power, il va avoir le pouvoir over death, sur la mort. Listen. Écoutez. So I want to look very carefully with you today. Alors je désire regarder très attentivement avec vous aujourd'hui. Step by step. Pas à pas. On some of the ways of the Lord. De quelques-uns des chemins du Seigneur. That the church. Que l'Église. Ought to have walked. Sur lesquels l'Église doit marcher. That she may not see apostasy. Si elle ne désire pas voir l'apostasie. I'm going to get through. Je vais commencer à aller là à travers. Some of the ways of the Lord. Quelques-uns des chemins du Seigneur. Again, let me say it this way. Encore, laissez-moi le dire de cette manière. Of some of the things. De quelques-unes de ces choses. That are in the way. Qui sont sur le chemin. That the church may have missed out. Que l'Église peut avoir manqué. Number one. Numéro un. When the prophets spoke, they gave prophecy on the Messiah. Quand les prophètes ont parlé, ils ont donné des prophéties à propos du Messie. And one of the prophecies they gave. Une des prophéties qu'ils ont données. Said. Disait. The Messiah would be born in Bethlehem. Le Messie va naître à Bethléem. He would be born in poor Bethlehem. Il va naître dans la pauvre Bethléem. To be born in poor Bethlehem. Être né dans la pauvre Bethléem. If I ask some of you, si je demande à quelques-uns d'entre vous, where do you want to be born? Où est-ce que tu aimerais être né? Someone will say, I want to be born in Ivory Tower. Certains diraient, oh, j'aimerais être né dans une tour d'ivoire. I want to be born in Hilton Hotel. J'aimerais être né à l'hôtel Hilton. I want to be born in Intercontinental. J'aimerais être né à l'Intercontinental. I want to be born in an aircraft above the earth. J'aimerais être né dans un avion au-dessus de la terre. They want high. Ils aimeraient ce qui est haut. High, high, high. Oh, oh, oh. But when the prophets came to speak. Mais quand le prophète est venu pour parler. Oh Bethlehem Ephrata. Oh Bethlehem Ephrata. They said, poor Bethlehem. Ils ont dit, la pauvre Bethlehem. Today you'll see where the church detoured from. Maintenant vous allez voir de quoi l'Église s'est détournée. Let us see what it says. Voyons ce qu'il dit. The book of Micah. Le livre de Michée. Micah, turn with me the book of Micah. Tournez avec moi au livre de Michée. You will begin to go back to basics. Vous allez commencer à retourner à la base. And you will be shocked. Et vous serez choqués. At what the church has missed out. à ce que l'église a manqué. Micah chapter 5. Michée chapitre 5. Verses 2 to verse 5. Les versets 2 au verset 5. The book of Micah chapter 5. Le livre de Michée chapitre 5. The word must be established here. La parole doit être établie ici. So now Micah chapter 5 verses 2 to 5. Maintenant, Michée chapitre 5 en français c'est les versets 1. He says, il dit, but you Bethlehem Ephratah, et toi Bethlehem Ephrata, though you are small among the clans of Judah, qui est petite parmi le clan de Juda, out of you will come one for me, de toi sortira pour moi, out of you will come for me one who will be a ruler over Israel. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Whose origins are from old, from ancient times. Et dont les origines remontent aux temps anciens. A little village. Un petit village. Very small village. Un petit village. Very small. C'est très petit. And the prophets began to speak. Et le prophète a commencé à parler. How come you did not know as a church? Comment est-ce que vous n'avez pas su en tant qu'église? That this is what the prophet said. Que c'est ce que le prophète a dit. That all you little Bethlehem. Que, oh toi petite Bethlehem. That a poor thing. Qui est une chose pauvre. Out of you now. En dehors de toi maintenant. Will come one. Va venir celui. Who will be a ruler. Qui va gouverner. And lead the people of God. Et conduire les gens à Dieu. If you follow very carefully the translation, si vous suivez très attentivement la traduction, the ruler in the Hebrew context, le conducteur dans le contexte hébreu, means shepherd. Ça signifie le berger. That a shepherd would come, would emerge from that little humble, neglected, abused village. Que berger va venir de ce petit, abusé, négligé village. He didn't say, oh, New York City. Il n'a pas dit, oh, New York City. Oh, Los Angeles. Oh, Los Angeles. Oh, Tokyo, Japan. Tokyo, Japon. Out of you come the hero. En dehors de toi vient le héros. That I did not find there. Ça, je ne l'ai pas trouvé là. But when they opened their mouth, mais quand ils ont ouvert leur bouche, oh Bethlehem Ephrata, oh Bethlehem Ephrata, though you are small among the clans of Judah, toi qui es petite parmi les clans de Juda, your name has now been called, ton nom a maintenant été appelé, out of you now comes the ruler, de toi maintenant sort le chef. Let me explain to you what that means. Laissez-moi vous expliquer ce que ça signifie. So the church did not understand this. Alors, l'église n'a pas compris cela. That's why apostasy came. C'est pourquoi l'apostasie est venue. Right from the beginning. Juste depuis le commencement. When he comes as the way. Quand il est venu en tant que le chemin. When he said, I am the way. Quand il a dit, je suis le chemin. His ways are very humble. Ses chemins sont très humbles. And poor. Et pauvres. Right from the word go. Juste depuis le début. It is supposed to be humble and poor. Il est supposé être humble et pauvre. Neglected. Négligé. Inconsequential. Sans importance. If you look at the church today, si vous regardez l'église aujourd'hui, they have sophisticated Jesus. Ils ont sophistiqué Jésus. And that's why they have gone astray. C'est pourquoi ils se sont égarés. Because this way, parce que ce chemin, is the humble way, est le chemin humble. This way, ce chemin, is the poor way, est un chemin pauvre. This way, ce chemin, is for the neglected, est pour les négligés. This way, ce chemin, is for the ignored, est pour les ignorés. Now listen to this. Maintenant, écoutez ceci. I said, j'ai dit, we have to go back to the Bible to retrace it. Nous avons à retourner à la Bible pour rétrécir. To find out where did the church go wrong. Vous trouvez pourquoi l'église va mal. So